Et parlant de retard, Rick Mialou nous fait languir. On va être content de lui parler. Parce que la dernière fois que tu étais venu nous voir, Rick, on avait parlé du marché de l'emploi. Il nous avait resté un emploi à parler. Mais tout de suite après, on va bifurquer vers l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Oui, oui, tout à fait. Parce que en plus que l'emploi dans le, pour lequel que nous allons parler, c'est, ça fait intervenir au fait de l'intelligence artificielle. Donc oui, évidemment... Ça lit tout, là. Oui, oui, tout à fait. Oui, tout penser à ça avant. Eh oui, il fallait bien, là. Il fallait bien. Il fallait se préparer à ça, là. Un vrai sens de radio. Exactement. Nos, ceux qui nous écoutent, là, ils méritent le meilleur. Le meilleur, c'est Rick. Ça va de soi. Alors, Rick, oui. Tu voulais nous parler d'impression 3D. Oui, exactement. L'impression 3D. Un petit rappel, donc, on parlait des possibilités d'emploi d'ici 2030. Donc, l'impression 3D, c'est quoi l'impression 3D? C'est au fait la capacité tout simplement de construire en utilisant de l'architecture, la robotique et la science des matériaux. Donc c'est construire des maisons mais avec un plan premièrement bâti en 3D. C'est très intéressant parce que comme on parle de ça, on parle de robots qui sont là et on parle d'abord d'êtres humains au fait qui vont bâtir ce plan qui va être sur ordinateur au travers des logiciels sophistiqués que les architectes maîtrisent très bien et les autres ils vont pouvoir inculquer ça dans la mémoire vive si on peut le dire du robot qui va évidemment bâtir une maison. Ce qui est intéressant là-dedans, oui. C'est que toutes les gens qui travaillent dans la construction, je prends mon frère et je prends d'autres personnes qu'on connaît. Là, oui. On a tous un cousin, un beau-frère qui est dans la construction. Là. Oui. Disons que s'il n'est pas près de la retraite, il va peut-être la prendre plus de bonne heure. Lui, D'ici 2030, c'est sûr. Le marché de l'emploi change, c'est mon message depuis la dernière fois qu'on s'en est parlé. Le marché de l'emploi va continuer de changer constamment. Donc oui, ça se pourrait que qu'il y ait certaines personnes qui soient moins contents par rapport à ce changement-là. Si on parle de la construction, comme on dit, c'est de l'intelligence artificielle et c'est de la robotisation. Donc automatiquement, on parle pas vraiment d'être humain à ce niveau-là. C'est okay. Rendu tous les robots. Oui. Et c'est là qu'on va glisser un peu vers l'intelligence artificielle parce que là, aujourd'hui, oui. Il y a des jeunes qui vont nous écouter, qui sont à l'école, mm-hmm. Et là, ils ne savent pas encore quoi faire. Il y a quelques emplois traditionnels mm-hmm. qui vont disparaître. Il va falloir peut-être s'inventer notre propre emploi dans le futur. Qui n'est pas encore arrivé. Oui, probablement. Donc, normalement, chaque fois qu'on parle du futur du travail, on parle toujours de robotique et on parle toujours d'intelligence artificielle. Ça, ce sont les gros deux termes qui reviennent chaque fois. Les marteaux, oui. Les scie sauteuses, c'est terminé, on n'en parlera plus. Là. Bye, exactement. Bye bye, on ferme la porte, on laisse place à de nouvelles choses, à de nouvelles manières de faire les choses. Okay? Sauf que moi, j'ai un point de vue totalement différent et avec les recherches que j'ai faites justement, c'est totalement différent. Ça va être intéressant qu'on parle de chacun de nos points de vue. Allons-y, parlons-en. Parce qu'au fait, malgré que ces deux termes reviennent toujours, l'intelligence artificielle et la robotisation, mais on doit apprendre de l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire nous enseigne? Si on remonte à cela peut-être 200 ans, le travail, le marché du travail qui était à cela 200 ans n'est pas du tout le même qu'on a aujourd'hui. Okay? Disons que probablement mon arrière-arrière-grand-père, oui? Devait être dans le champ en train de labourer et s'occuper de ses vaches. Exactement. Mon grand-père, lui... Il a connu le début de l'industrialisation, uh-huh. Début du siècle, arrière-grand-père. Et là, mon grand-père, lui, il était dedans à plein. Uh-huh. Et là, au début du tournant des années 2000, on ouais. a commencé à parler de l'ère de l'information. Exact. Tranquillement, pas vite, on délaisse l'industrialisation pour mm-hmm. s'en aller vers la technologie. Exactement. Donc, il y avait comme une sorte de sondage qui disait que si on remonte à plusieurs années, au moins aux alentours de 90% de la population, justement, ils travaillaient comme paysans, en fait. C'est un très grand pourcentage. Comparé aujourd'hui, lorsqu'on parle peut-être de moins de 5% de la population, en fait, qui travaillent comme agriculteurs, ou peut-être moins. Peut-être que le pourcentage est encore plus petit que ça. Mais malgré cela, le taux d'activité sur le marché du travail a quand même augmenté. Il y a. Présentement, il y a plusieurs emplois disponibles sur le marché du travail. Hey, écoute, Rick, je pense que mon point de vue est totalement différent du tien. Okay. Parce que moi, j'ai l'impression que moi, toi qui travailles au centre de recherche d'emploi et des travailleurs qui travaillent dans les usines, dans 20 ans, on va se retrouver à 11 heures de l'après-midi, du matin plutôt, assis dans le parc, en train de donner du pain aux oiseaux pendant qu'on attend l'argent du gouvernement. Là. Et ça, c'est... Un dépôt garanti. Aha. Et ça, c'est pas parce que tu auras pris ta retraite, là, right? Non, c'est parce que l'ordinateur sera meilleur que moi pour faire de la radio. OK, c'est ce qu'on pense. Au fait, c'est vraiment ce qu'on pense. C'est le fait commun, populaire, justement, de ce que les gens disent. Une question pour toi. Est-ce que tu connais Elon Musk? Oui, okay. Il est propriétaire de Tesla. Exactement. Et aussi de SpaceX. Exactement. Donc, la dernière fois qu'ils ont travaillé sur le modèle Tesla 3, lui, étant donné que c'est un monsieur qui est très inventif, qui est très avant-gardiste, exactement, il est très technologie. Si on parle d'intelligence artificielle, on parle de robotique, il est là, il est vraiment là. C'est vers là qu'il veut aller dans ses usines et tout. Donc pour la construction, pour la production en fait du modèle 3 de Tesla, il a dû faire intervenir des robots. Ça, c'est arrivé en avril qu'il y a eu un interview qu'il a eu à la télévision lorsque le modèle 3 a été retardé et c'était à cause de la production dirigée par les robots. Ah, c'était pas à cause des humains. Non, du tout. OK, donc, une usine totalement robotisée. J'ai vu la vidéo sur YouTube, par exemple, ça peut se trouver très facilement. Une usine totalement robotisée. Donc, pas d'être humain, juste des robots en train de faire le travail et le montage. Dans le fond, tout ce qui est nécessaire pour le modèle Tesla 3 a été retardé. Ils ont eu des gros retards, donc les objectifs qu'il avait n'ont pas été respectés. Et il a mis ça totalement sur le dos des robots. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a encore besoin des humains dans les usines. Mais il faut dire aussi que les robots, ça brise. Ça va prendre quelqu'un pour faire de la maintenance aussi. Exactement. On ne peut pas tout être des électromécanos non plus. Là. Exactement. Chaque fois qu'on parle de l'intelligence artificielle, on parle du futur. On a en tête l'image de iRobot, le film de Will Smith, lorsque les robots font presque tout. Ce sont des policiers, ce sont des infirmiers. Ils sont partout, à la clientèle, des chauffeurs, les robots font tout pour nous, des serviteurs à la maison. C'est-tu ce que j'ai vu dans un reportage à Montréal? Il y a un robot qui est barman. Il peut même interagir avec toi, te parler. Oui. Il va te servir ton verre, il va te l'envoyer. Mm-hmm. Alors, dans ce temps-là, le propriétaire de bar est très content. Il a un salaire de moins à payer. Ben, pas forcément, parce que c'est de la technologie qui est utilisée quand même, et pour que ça soit utilisé, ça prend l'intervention d'un être humain. C'est ça le gros problème. Regarde à quel point les téléphones, par exemple, ont changé. On a une grosse intelligence artificielle dans les téléphones qui s'appelle Siri, pour ceux qui utilisent les iPhones. Right? Siri, ils vont poser la question, Siri, hey Siri, c'est quoi la température à Penetanguishen? Et Siri va répondre, parce que elle a une intelligence artificielle. La recherche Internet, à cause de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est venu pour remplacer la job de personne? Pas forcément, parce que ça crée de l'emploi. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent devenir IT, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a de cela une vingtaine, une trentaine d'années. Mais à cause des moteurs de recherche, justement, qui utilisent l'intelligence artificielle, tout d'un coup, tous nos jeunes veulent devenir IT. Mais sais-tu ce que j'ai remarqué, moi, par rapport au téléphone intelligent? Quand on était petit, toi puis moi, là, moi j'ai 35, je pense que tu dois être pas loin d'avoir 30 ans. Je suis pas proche, pas loin de là, là. Mais à cette époque-là, on n'avait pas encore l'intelligence artificielle. Mm-hmm. On retenait tous les numéros, nos grands-parents, amis. C'est vrai. Maintenant, je te demande mon numéro de téléphone, es-tu capable de me le dire? Tu vas le retrouver dans ton téléphone. Exactement, ouais. Mais je pense que, tranquillement, pas vite, on vient lâche du cerveau aussi avec l'intelligence artificielle. Il est fort probable que oui, parce qu'on n'utilise plus la mémoire comme on l'utilisait avant. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les gens, quand même, ils vont utiliser leur mémoire pour d'autres choses. Donc, comme peut-être apprendre d'autres langues, ou bien tout simplement faire d'autres choses. Pour utiliser des iPads, tu remarques remarqueras que les baby boomers, par exemple, des fois, pour utiliser les téléphones, ils ont certaines difficultés. C'est là que des fois, il y a des services qui sont là pour les aider, pour pouvoir apprendre à utiliser ces téléphones-là, parce que c'est une génération totalement différente, right? Mais qu'est-ce que ça nous dit, qu'est-ce que ça nous dit des jeunes qui sont capables de s'en sortir avec? C'est qu'ils se sont développés d'une certaine manière, mentalement, ils ont été capables d'apprendre cela, de grandir avec cela. Donc, ils ont appris, donc ils ont un certain un avantage probablement par rapport aux générations qui étaient passées. Mais ce qu'on remarque, par exemple, chez les jeunes, sont peut-être plus développés point de vue intellectuellement pour ce qui est technologie. Ça, oui. Donne-leur un marteau, voir. Ça devient autre chose. C'est à cause de ça que le marché du travail change. Donc, on arrive à un niveau là où peut-être que le travail ne va plus être très manuel, mais ça va être plus entrer des données pour faire aux robots ce qu'ils devraient faire. Moi, une personne, justement, comme Elon Musk, qui est très avant-gardiste, justement, par rapport à la technologie, qui reconnaît que non, malgré le fait que j'ai voulu faire travailler des robots à la place des êtres humains, je suis obligé d'engager des êtres humains, parce qu'on ne peut jamais se débarrasser des êtres humains. Ça serait la grosse erreur. On ne pourrait jamais être capable de se débarrasser des êtres humains. Ça, c'est définitif. Rick Mialou, ouais. On peut vous rejoindre à laclé.ca. Exactement. Aussi au 549-5227 ou aux 2 rue Pointe à Penetang si vous avez besoin des services de Rick ou des membres de la clé pour la recherche d'emploi. Exactement. Nous sommes là pour la communauté. Rick, on se retrouve la semaine prochaine. Je te remercie d'être passé. Merci à toi, Jean-Philippe.